sans arrêt tout rempli histoire. C'est jalousie ou c'est quoi? Tu dis que je bois beaucoup, pourtant je bois un peu, un peu. Tu dis que je cherche les femmes, pourtant je suis pour moi gentil garçon. Aïe, Maria, Maë, dis-moi l'affaire aujourd'hui. Mon zoré trop rempli d'histoire, c'est jalousie ou c'est quoi? Je bonjour avec la voisine, mais nous parler côté côté. Le week-end je portais bon pantalon, tu attrapais moi pas sorti. Aïe, eh, Maria Maë, dis-moi l'affaire aujourd'hui. On aurait trop rempli histoire, c'est jalousie ou c'est quoi? Mariam, Mariam, tu gouvernais moi comme petit l'enfant, parce que tu es un enfant émancipé, yo. Habitude, ton façon, l'amour, ton mancipé, même là, ton habitude, yo, ton façon, l'amour, ton mancipé, même là, ton long, long Francis. Moi, pas comprendre chose de blanc. Poisson ne vit que dans sa rivière, yo. Hein? Écoutez cette guitare extraordinaire du roi Makassi. Mariam, façon que toi-même pour tes amis là, émancipée Mariam. Façon que toi-même portes tes habits là. Habitudes.